Bien, donc nous allons ouvrir ce séminaire de l'année 2011-2012 avec donc une contribution aujourd'hui de Sabine Barle, donc professeure à l'Université de Paris 1 et membre de l'Institut universitaire de France qui travaille donc principalement sur l'environnement urbain, qui dirige aussi le programme PIRV, un programme interdisciplinaire de recherche ville et environnement. Et donc avec une contribution aujourd'hui sur un sujet abordé à plusieurs reprises dans ses travaux, sur le métabolisme urbain à Paris, contribution à une histoire environnementale de Paris au 19e et au 20e siècle, voire même du 18e au 20e siècle. J'ai mis 18 dans un moment d'égarement, mais j'ai un peu limité... Bien, donc je vais essayer de vous présenter un peu cette démarche de recherche autour du métabolisme urbain, sachant que j'ai indiqué trois autres noms là en dessous, puisque les travaux dont je vais vous rendre compte ne sont pas que les miens en fait, c'est des travaux qui associent aussi Gilles Bilaine, qui est biogéochimiste, et Petros Chatzimpiros, qui est à l'origine ingénieur, qui vient de soutenir sa thèse, et Eunekim, qui est urbaniste et qui va bientôt soutenir sa thèse. Donc c'est un travail collectif. Bon, il y a des bouts qui sont plutôt les miens, des bouts qui sont plutôt les leurs, vous verrez leur nom à chaque fois, mais je tenais quand même à le souligner, parce que c'est ce type de travail qui a un caractère assez fortement interdisciplinaire, mobilise de nombreuses compétences qu'il est bien entendu difficile d'avoir... à soi-même ou intégralement. Voilà, alors pour essayer d'un peu de situer la problématique de ces travaux, donc moi j'ai coutume de dire que ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle les interactions société-nature, donc je ne veux pas me lancer bien sûr dans une discussion sur qu'est-ce que c'est que la société, qu'est-ce que c'est que la nature. En tout cas... Bien que ce soit une question importante à laquelle je n'ai toujours pas de réponse d'ailleurs, mon point de départ pour essayer de me simplifier la vie, c'est de me dire finalement ces interactions, si on veut les réduire à leur expression physique la plus simple, on peut dire qu'elles se traduisent par des échanges de matière et d'énergie. D'où cette expression, d'où cet emploi du terme métabolisme, bon, qui est une... Le mot de métabolisme est un peu gênant parce que c'est bien sûr une analogie qui peut conduire à de l'organicisme, etc., etc. Moi, j'emploie vraiment ce terme par commodité. Je ne pense pas que la ville est un organisme, je ne pense pas que la société non plus, etc. Mais il n'en demeure pas moins que... d'ailleurs, avant de parler de métabolisme, beaucoup de chercheurs, y compris des historiens, l'ont montré. Les villes s'approvisionnent, donc utilisent, font rentrer des flux d'énergie, d'aliments, etc., etc., en leur sein, et puis rejettent des choses, et puis tout ça produit des choses, etc., etc. Et donc ces interactions société-nature, donc que j'étudie avec ce point d'entrée très concret, très matériel des flux d'énergie et de matière. J'essaye de les aborder dans une perspective de relative longue durée. Alors, pour ce qui me concerne, mon pas de temps, c'est 2 à 3 siècles. Alors, c'était plutôt 2 jusqu'à récemment, et j'essaye de partir maintenant, de commencer mes travaux à partir plutôt du 18e siècle. Cet élargissement de durée, en fait, vient du fait que ces derniers temps, je me suis plus intéressée à l'énergie, et que traiter de l'énergie sans commencer à l'Ancien Régime, ça paraît peu pertinent, puisque beaucoup de choses s'enclenchent à ce moment-là. Voilà, alors j'emploie ici l'expression de trajectoire socio-naturelle ou trajectoire socio-écologique, qui est une expression qu'on trouve plutôt dans le domaine des sciences de l'environnement. Et ce que je trouve intéressant dans cette expression, c'est l'idée de retracer finalement l'évolution, la transformation, les mutations de ces interactions que je mentionnais tout à l'heure, qui se font bien entendu sous des raisons qui sont de nature extrêmement, extrêmement diverses. Alors c'est vrai que, enfin, je ne sais pas du tout jusqu'à quel point vous êtes familier de ce domaine de recherche des trajectoires socio-naturelles ou socio-écologiques. C'est un domaine de recherche qui vient plutôt des sciences de l'environnement et qui qui, plus que développer une approche historique, développe plutôt une approche que je qualifierais de dynamique. C'est-à-dire que les gens qui font des trajectoires socio-naturelles au sens strict du terme ne vont pas tellement regarder le pourquoi du comment il y a une transition énergétique ou la consommation d'eau augmente, etc. Eux, ce qu'ils essayent d'avoir, c'est des courbes et puis de voir des ruptures. Mais encore une fois, l'approche historique est relativement peu développée. En ce qui me concerne, ce que j'essaye de faire, c'est de coupler cette approche qui relèverait plutôt des sciences de l'environnement avec des démarches de nature plus historiennes, parce que je pense que la fécondation mutuelle est assez intéressante. Alors, le cas que j'ai traité depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est essentiellement le cas de Paris. Ce qui est un peu un piège parce que, à force de tout regarder à travers le prisme de Paris, on oublie qu'il peut y avoir des configurations complètement différentes. Donc, une étape ultérieure de ce travail, ça serait d'engager plutôt des travaux comparatifs, ce qui pourrait se faire dans les années à venir. Pour l'instant, deux grands flux m'ont intéressé. C'est d'une part l'alimentation, que ce soit l'alimentation humaine ou animale, et plus récemment l'énergie. Donc je parlerai un peu d'énergie à la fin, mais beaucoup moins longuement et beaucoup moins précisément que d'alimentation. Et donc les analyses qu'on va développer, en complément d'approches qui relèvent plutôt de l'histoire de l'environnement ou de l'histoire des techniques ou de l'histoire urbaine, c'est ce qu'on appelle les analyses de flux de matière et d'énergie. Donc on quantifie ces flux, des analyses des aires d'approvisionnement, des analyses des empreintes environnementales. Je vais rentrer dans le détail de tout ça dans quelques instants. Alors, j'ai découpé ça en trois morceaux, mais c'est pas très très clair. Parce que j'ai passé la journée à hésiter sur la façon dont je devais arranger tout ça, qui pour essayer de vous présenter à la fois des résultats de travaux, bien sûr, et puis l'origine de ce type de démarche, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident qu'il soit intéressant pour l'histoire de l'environnement de quantifier des flux. Et moi, je veux bien entendre que ça ne l'est pas. Moi, je suis tendance à penser que ça l'est, bien sûr. Mais ma première partie va porter plutôt sur le métabolisme urbain dans la ville. Après, je passerai plutôt sur le métabolisme urbain entre la ville, enfin le métabolisme urbain en tant qu'il a des répercussions hors la ville. Et j'ai appelé cette partie des excréta au métabolisme urbain, puisque finalement, moi, je suis partie d'un intérêt pour les sous-produits urbains et la façon, plutôt d'un intérêt d'histoire des techniques, disons, sur la façon dont les sous-produits urbains ont été pris en compte, considérés, gérés, transformés depuis le 19e siècle, et comment tout ça m'a amené à m'intéresser plus de façon un peu différente au métabolisme urbain. Alors, cet intérêt, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que j'ai eu l'occasion d'en parler à différentes reprises, mais cet intérêt pour ce que j'appelle les excréta urbains est venu pour moi du fait que quand on lit un peu les textes qui portent sur les déchets urbains, par exemple, et leurs histoires, qui ne sont pas très nombreux au demeurant, on a l'impression que finalement le déchet, c'est quelque chose qui est consubstantiel à la ville. C'est écrit dans la première page, je crois, du livre de Martine Melosi sur Garbage in Cities, qui dit Garbage is primarily an urban blight. Et donc, moi j'étais tout à fait d'accord avec ce point de vue, effectivement, et sur l'idée selon laquelle le déchet c'est aussi quelque chose qui explose avec la révolution industrielle, l'urbanisation, etc. etc. Et puis il s'est trouvé que, m'intéressant donc à ces questions et me posant la question de la façon dont ces matières avaient été, encore une fois, prises en compte dans la ville du 19e siècle initialement, je me suis rendu compte du fait que cette notion même de déchet, le mot existait bien sûr, mais que la notion même de déchet n'était jamais employée dans la ville du 19e siècle pour parler de ce dont nous, de ce que nous appelons aujourd'hui déchets. De la même façon, on ne parle pas d'eau usée, alors là il y a des raisons un peu plus complexes, mais en tout cas il semblait que dans cette ville du 19e siècle, en tout cas au moins Paris, mais pas seulement Paris, la catégorie n'est pas d'existence dans les textes. Alors dans les textes, de quel texte est-ce que je parle? Je parle à la fois de la littérature hygiéniste, qui est très développée à cette époque-là, et puis de la littérature technique, de l'ingénierie urbaine, qui est celle des ingénieurs des ponts et chaussées en particulier. Et tout ça m'a amené à essayer de creuser cette question, puisqu'on voyait bien qu'il y avait un problème entre cette idée, le déchet est consubstantiel à la ville, en gros, et puis il n'y a pas de déchet dans la ville du 19e siècle, ça crée un peu un paradoxe. Et ce qui m'a amené à essayer de voir, d'aller voir un peu plus loin, et à me rendre compte que finalement, au 19e siècle, alors d'autres avaient traité la question, même indirectement avant moi, finalement, l'intérêt, la question de la gestion, donc de ce que j'appelle des excrétas, pour ne pas les appeler des déchets, est tout à fait intimement liée, enfin, lie de façon intime la problématique hygiéniste et la problématique agricole. Pas seulement agricole d'ailleurs, aussi industrielle, c'est-à-dire qu'il y a un double enjeu de protection des populations contre les maladies, bien entendu, d'amélioration des conditions d'hygiène urbaine et de récupération des sous-produits urbains afin de valorisation. Cette récupération est industrielle, mais elle est aussi énormément agricole, et pour une raison extrêmement simple, qui est qu'une inquiétude grandit au XIXe siècle, qui est celle justement de la capacité à nourrir la population croissante, et en particulier la population urbaine croissante. Et donc cette préoccupation double, on la trouve à la fois dans les discours, dans les textes, dans les déclarations d'intention, si je puis dire. Et ça, c'est encore une fois présent, par exemple, chez les chimistes, quand ils disent que les villes... quand ils disent que les villes doivent rendre à la terre les matières qu'elles lui ont prises, c'est-à-dire qu'on emporte des aliments, il faut rendre des engrais. On le trouve chez des ingénieurs, comme c'est assez tardif dans le 19e siècle, mais il y en a plein d'autres, comme Freycinet, qui dit que l'assainissement s'est fait à la fois pour assurer la circulation continue de l'eau, mais aussi pour rendre à l'agriculture tout ce qu'on peut lui rendre. Et puis on le trouve aussi, comme vous le savez probablement, chez Victor Hugo, dans un texte très très beau qui se trouve dans Les Misérables. C'est des déclarations d'intention, c'est des textes qui affirment la nécessité de le faire, et puis c'est aussi une intense activité d'innovation qui va se développer au XIXe siècle, donc pas seulement en France hein, d'ailleurs, à l'échelle européenne, des industriels de tout poil vont essayer de mettre au point des techniques qui vont permettre de fabriquer des engrais urbains, qui sont des engrais donc fabriqués à partir des sous-produits urbains et pour une grande partie d'entre eux fabriqués à partir des urines et des excréments des citadins. Donc là j'ai mis quelques indications de ces innovations. Elles sont très très nombreuses, il y a énormément de brevets, c'est un secteur extrêmement, extrêmement dynamique. Et puis c'est à la fois un secteur innovant du côté du secteur privé, mais c'est aussi un secteur qui est particulièrement suivi par les édiles et par ce qu'on n'appelle pas encore les services techniques des villes, puisque finalement, quand on regarde les textes qui régissent ces matières, ces sous-produits, la question de la récupération est toujours mise en avant. Et quand on regarde les techniques qui sont développées, notamment par les ingénieurs qui sont au service des villes, elles prennent toujours en compte la double dimension de l'hygiène et de la valorisation de ces matières. Donc ça, c'est un autre exemple d'un compost qui est très à la mode au XIXe siècle, même si je l'ai sorti d'un ouvrage assez tardif, qui est un compost dans lequel on trouve énormément de sous-produits urbains, donc matière fécale, fientes de cheval, il y a beaucoup de chevaux en ville, urine, balayure de rue, eau pulvérisée, les eaux, c'est des matières premières qui sont tout à fait urbaines, puisqu'on vend, on abat bien sûr en ville, et puis on vend généralement l'os avec la viande, donc l'os se récupère chez les citadins, c'est donc lui aussi un sous-produit urbain. Donc on a toute cette activité qui se met en place, qui se traduit dans un premier temps par la mise au point d'engrais qui sont plutôt des engrais solides, donc tous ceux que j'ai mentionnés jusqu'à présent, et puis avec le développement de la distribution d'eau et de la nécessité d'évacuer les eaux des maisons, on va passer à une valorisation qui est plutôt liquide, qui est la valorisation par champ d'épandage, donc irrigation agricole par les eaux d'égout, qui va se développer dans beaucoup de villes européennes, et dont la motivation est à nouveau de de débarrasser la ville de ces matières, mais aussi de produire, d'avoir une production végétale proche de la ville et à faible coût. Alors, il y a eu tout un tas de polémiques que vous connaissez probablement et de conflits par rapport à la mise en œuvre de cette technique des champs d'épandage. Mais ce qui est important là-dedans, c'est encore une fois de cette idée de la production agricole. Et donc, au fur et à mesure donc du décryptage de cette histoire de la gestion des déchets, ben, j'en suis venue à me poser la question de l'impact de ces politiques et de ces techniques. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question de savoir. Alors ça, c'est une autre technique, une autre amélioration technique qui est faite dans les usines broyeuses, des ordures. Alors cette fois-ci, c'est plus les urines et les excréments, c'est les ordures qui viennent des rues. Et donc là, on va broyer les ordures pour fabriquer des engrais plus pratiques. Et donc la question qui se pose, c'est finalement, on pourrait se demander, est-ce que cette production d'engrais qui a été si importante, en tout cas dans les esprits, qui a suscité tant d'innovations, a eu un effet en termes de métabolisme. Est-ce que les villes ont finalement vraiment rendu à la campagne des choses ou pas? Alors, c'est ça qui m'a amené justement à travailler sur plutôt la quantification et à me poser la question de savoir, ça marche, ça marche pas, etc. Alors, encore une fois, on peut contester la nécessité de le faire, mais ceci dit, quand on s'intéresse à l'histoire de l'environnement, on peut aussi se demander, finalement, dans ces interactions société-nature, quel est l'effet sur la nature, ou en tout cas sur l'environnement, de ces dispositifs qui sont mis en place. Alors pour ça, j'ai choisi... Alors le métabolisme, donc, ça consiste à dire, je vais quantifier des choses, des flux. Bon, en l'occurrence, là, ce sont des flux de matière, et donc la question qu'on se pose, c'est quand de la nourriture rentre en ville, quelle est la part de cette nourriture qui a été transformée soit en urine et en excréments, soit en ordures, quelle est la part qui retourne à la campagne? Alors, on peut le quantifier en flux de matière brute, mais ça n'est pas très indicatif, puisque ces matières, elles ont été transformées, une carotte et un caca, c'est pas exactement la même chose, ça contient pas la même chose non plus, et la valeur fertilisante n'est pas la même non plus. Donc une façon de s'en sortir, c'est d'utiliser plutôt les éléments constituants de ces matières. Et puisqu'il s'agit de fertilisation, de regarder quelle est la circulation des éléments fertilisants dans la ville. Alors les éléments fertilisants, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, les engrais sont généralement désignés par leur teneur en azote, donc N, en phosphore, P, et en potasse, K. Ceci dit, moi j'ai choisi l'azote. Alors il y a plusieurs raisons au choix de l'azote qui sont à la fois des raisons historiques, des raisons biogéochimiques et des raisons pratiques. La raison historique, c'est tout simplement que l'azote est un enjeu majeur du 19e siècle. C'est-à-dire que non seulement on cherche à récupérer des engrais en ville, mais ce que disent les chimistes au 19e siècle, c'est que finalement l'un des plus gros problème de la production agricole, c'est de trouver de l'azote. Après, il y ajoutera le problème de trouver du phosphore, mais le premier élément, la première substance fertilisante qui a vraiment été identifiée comme fondamentale, c'est l'azote, même bien qu'il y ait eu des discussions entre les chimistes sur la façon dont les végétaux récupéraient cet azote, à savoir... Puisqu'il y a plein d'azote dans l'air, est-ce que les végétaux prennent directement de l'azote de l'air ou bien est-ce qu'ils le prennent dans le sol? Sachant que, in fine, on sait qu'une bonne partie des végétaux ont besoin du passage par la minéralisation, par la fixation biologique, etc., pour pouvoir croître. Donc, un intérêt pour l'azote dans la fertilisation, un intérêt si bien que tous les engrais dans la première moitié du 19e siècle sont désignés par leur teneur en azote. Un intérêt aussi pour l'azote qui est grandissant dans la société du 19e siècle en ce qui concerne la nutrition, l'alimentation humaine, c'est-à-dire que on se pose de plus en plus la question de savoir comment bien nourrir en particulier les hommes et les ouvriers qui doivent travailler dur et qui ont besoin d'avoir du rendement. Et donc, progressivement, on se rend compte alors, on met en avant, c'est là qu'on va mettre en avant la viande comme étant l'aliment dont il faut développer la consommation. Et cette viande, elle est là, elle est considérée comme étant là parce que c'est elle qui fournit les plus grandes quantités d'azote au corps. Et là, effectivement, l'azote est un des composants essentiels des protéines que l'on va trouver en grande quantité dans la viande. Donc cette préoccupation pour l'azote, elle est dans le monde végétal, elle est du côté de la fertilisation, elle est du côté de l'alimentation. Et du coup, on a cette mise en avant de l'azote et cette question historique de l'azote qui est tout à fait fondamentale et qui conduira plus tard à la mise au point du procédé Haber-Bosch, etc., etc. Et puis la troisième raison, c'est la raison pratique, qui est la conséquence en fait de la deuxième, c'est que du fait de cet intérêt énorme pour l'azote, on a énormément de sources aussi d'informations sur les teneurs en azote des choses. C'est-à-dire que, quand on travaille sur le métabolisme, on a plusieurs façons de faire. Hein. On peut très bien utiliser une approche qui serait plutôt celle des biogéochimistes, qui va consister à plutôt modéliser ce qui se passe. Et donc, pas tellement aller chercher dans les sources, mais se dire, bon ben voilà, il y a des gens, ils mangent tant, ça fait tant d'azote, et moi je sais que l'azote ça se transforme comme ceci, comme cela, et voilà qu'est-ce que ça donne. Donc ça c'est une modélisation. Moi ce que je préfère faire dans ce type de travail, parce que je pense que c'est plus pertinent, c'est plutôt rester proche des sources dont on peut disposer, et qui présentent des limites bien entendu, et donc l'idée c'est de se dire, bon ben voilà, je vais essayer de repérer dans les sources où est-ce qu'on parle d'azote, de teneur en azote, etc., etc. Alors le défaut de cette démarche, l'avantage de cette démarche, c'est que la vision qu'on va avoir de la circulation de l'azote sera probablement plus fidèle et conforme à ce qu'elle était, puisqu'il y a moins de biais de préinterprétation sur ce qu'il devient. Bon, l'inconvénient, c'est que bien sûr, la façon dont était dosé l'azote au XIXe siècle n'était peut-être pas parfaite, et donc on a un biais qui est introduit de cette façon-là. Mais bon. Voilà en tout cas les trois raisons qui conduisent à s'intéresser à l'azote. J'ai oublié d'en ajouter une autre, qui est une raison, j'ai dit l'azote c'est très important et c'est identique. Non mais en fait j'en ai donné que deux. J'ai dit historique, pratique et j'ai oublié biogéochimique. Voilà. La raison biogéochimique, c'est que indépendamment du fait qu'effectivement l'azote est très important pour la vie et que le cycle de l'azote régit énormément de processus naturels et de processus biologiques, l'azote a aussi, lorsque son cycle est perturbé, les perturbations du cycle de l'azote ont des conséquences environnementales très importantes qui vont se traduire par exemple par des excès d'azote dans l'eau sous différentes formes qui se traduisent par ce qu'on pourrait appeler de façon générique de la pollution, si c'est un terme un peu simplé en l'occurrence. Et donc, on aurait pu choisir par exemple le phosphore, qui peut susciter exactement les mêmes réflexions que celles que je viens de faire, mais l'intérêt pour le phosphore est beaucoup plus tardif, d'une part, donc on a beaucoup moins de sources, et par ailleurs il est beaucoup plus discontinu, c'est-à-dire que, en gros, pour le phosphore, on s'est rendu compte de l'importance du phosphore pour la fertilisation, en gros, dans les années 1840, donc il y a eu une chasse au phosphore, puis une fois qu'on a trouvé les phosphates fossiles, on a considéré la question réglée, on ne s'est plus du tout intéressé au phosphore, en ville, hein, je veux dire, et ça ne redevient une préoccupation que dans le dernier tiers du XXe siècle, à cause des pollutions engendrées par le phosphore. Donc il y a un grand trou dans la préoccupation pour le phosphore, alors que pour l'azote, on s'en est toujours occupé. Voilà, alors tout ça pour dire que ce que j'ai essayé de faire, ben voilà, c'est de me dire, je vais regarder comment circule cet azote. Il y a une obsession pour la récupération de l'azote, j'ai des sources. Alors, les sources, pour ce qui concerne les entrées d'azote alimentaire, pour Paris, c'est essentiellement l'octroi. Malheureusement, c'est essentiellement l'octroi, mais malheureusement, l'octroi ne nous dit rien de la consommation de pain, alors que c'est quand même quelque chose d'assez important. Alors là, on est obligé d'utiliser des sources complémentaires qui sont soit en archives, soit qui ont déjà fait l'objet d'études sur, par exemple, les moments... Il y a eu quelques rares moments où le pain a été taxé, donc là, on a quelques sources. Il y a eu des moments où il y a eu un grand engouement depuis l'étude de Lavoisier dans les années 1780 pour la question des consommations de Paris. Donc vous connaissez probablement l'étude de Lavoisier et au XIXe siècle régulièrement il y a eu finalement des reproductions de cette étude avec Benoît Stone-Châteauneuf par exemple qui en 1817 fait une étude très précise et donc là il va aller voir les boulangers etc. etc. et donc il va trouver des sources vraiment qui semble fiable. Enfin, en tout cas, moi, j'ai retrouvé les mêmes aux archives. Donc, j'étais très contente parce que j'ai touché le même papier que lui. Bon, il n'y a pas que lui et moi, d'accord. et puis Husson un peu plus tard, etc., etc. Et c'est pareil pour les autres aliments de type légumes et fruits. On n'a pas de statistiques d'octroi. Et là, à nouveau, on va utiliser des sources de type consommation de Paris, telles que produites par Benoît Châteauneuf ou Husson. Et l'octroi nous donne aussi des informations sur les fourrages. Et à partir de là, on a des teneurs en azote. Et donc, c'est pas, on multiplie, puis ça donne ça. Et alors, ce qui est intéressant, déjà ça c'est un premier résultat, avant de savoir qu'est-ce que ça devient, c'est que tout au long du 19e siècle, les entrées d'azote alimentaire par habitant sont stables à peu près, à 24 grammes d'azote par jour et par habitant, et se répartissent en 4 quarts, en 4 parts égales, donc 6 grammes de viande, 6 grammes de pain, 6 grammes d'autres aliments à destination humaine et 6 grammes de fourrage. Pour les fourrages, il y a une décroissance très rapide au tout début du XXe siècle, tout simplement parce que le nombre de chevaux diminue dans Paris très très rapidement. Et ça veut dire que, premièrement, ça nous permet de voir qu'est-ce que c'est que le poids de l'alimentation des chevaux dans l'approvisionnement d'une ville, et en particulier dans le besoin d'azote, puisque ça représente le quart de ce dont a besoin une ville comme Paris, et pour nourrir seulement ces chevaux résidents. Mais si on devait compter les chevaux qui circulent dans Paris, on arriverait à un résultat encore plus élevé. Et puis l'autre chose qui est importante, je trouve, même si c'est un non-résultat, c'est que quand j'ai fait ce petit calcul, je pensais voir des choses qui changent. C'est-à-dire, je m'étais dit, on va peut-être voir changer le régime alimentaire, ce qui était peut-être augmenter la consommation de viande, etc. Et en fait, on se rend compte que ça ne change pas. Alors, ça ne change pas pour deux raisons, à mon avis. La première, c'est que la consommation de viande était déjà très élevée à Paris dès la fin du XVIIIe siècle, voire auparavant, contrairement à ce qui se passe dans d'autres villes. Et la deuxième raison, c'est que, comme on a une vision complètement amalgamée de toutes les catégories sociales, etc., et finalement, toutes les transformations se compensent. C'est-à-dire que le changement de régime alimentaire des uns est compensé par le changement de régime alimentaire des autres, qui peut être tiré d'un côté peut-être par la pauvreté, de l'autre côté par l'enrichissement, etc., etc. Et donc on ne voit rien. Donc ça veut dire que ce type d'étude, alors sur 200 ans on verra qu'on voit quelque chose, enfin si j'ai le temps d'arriver jusque là, mais ce type d'étude, en tout cas sur un siècle, pour Paris, ne permet pas de conclure des choses sur l'évolution du régime alimentaire. Alors, une fois qu'on a vu les entrées, alors bien sûr, je disais 24 grammes par habitant et par jour, c'est stable. Ça, c'est la somme. Alors ça, maintenant, c'est des tonnes d'azote. Mais c'est seulement les tonnes d'azote qui concernent la viande, la farine et les fourrages. Donc, il faudrait rajouter le dernier quart qui correspond aux autres aliments. Bon, je voulais juste dire que, certes, ça ne change pas par personne, mais comme la population augmente, ça explose. Et ça, c'est aussi une illustration de cette préoccupation pour l'alimentation humaine, puisque ça veut dire que toute cette alimentation, il fallait être capable de la produire. Et on est vraiment dans un sentiment, tout au long du XIXe siècle, de pénurie de ces aliments, et en particulier d'azote. Voilà, alors maintenant, c'est la traduction de ça. Ouais. Oui, on sera à la fin. Mais s'il y a un problème de cours. Parce qu'il y a une espèce de. En 1758. Ah oui, non, alors ça, c'est parce que. Voilà, j'aurais dû expliquer ça. Il ne s'est pas passé un truc complètement dingue. C'est que pour ce travail, dans la mesure où, comme je le disais, moi, je préfère partir des sources brutes, etc., etc., je suis tenue par les limites administratives de Paris. Or, en 1860, il y a l'annexion des communes périphériques. Donc, il y a cette espèce de saut, mais qui n'a aucun sens. Si on raccordait, j'aurais dû vous montrer la courbe de population de ce qu'on appelle l'agglomération, on verrait qu'il y a une croissance qui est beaucoup plus régulière de cette demande. De toute façon, ça correspond à la croissance de la population. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que c'est la population de Paris intramuros. Donc là, ce qui nous manque, ce qu'il nous faudrait, c'est la partie de la banlieue. Mais si on compare ici et là, comme là, la banlieue, en termes de population, est quasiment nulle, enfin, pas nulle, mais très, très petite, on peut dire qu'on passe de 5 000 à 25 000, et donc en constant seulement 3/4 de cette demande, puisqu'il manque les fruits et les légumes. Voilà, alors maintenant, l'idée, c'est de se dire, alors, et ça circule comment ? Alors voilà comment, à peu près, ça circule. Ce que vous voyez ici, alors je suis désolée, c'est en anglais parce que j'ai une version française, mais qui est ancienne et les chiffres ne sont pas tout à fait justes et je n'ai pas eu le temps de les corriger. Mais en gros, voilà, ça c'est la nourriture pour les hommes et les femmes et les enfants. Ça, ce sont les fourrages. Et puis, donc ça rentre. Alors, c'est des tonnes d'azote et entre parenthèses, c'est des grammes d'azote par habitant et par jour, alors que les tonnes d'azote sont par an. Donc ça rentre, ça va dans des usines, dans des magasins, et puis c'est consommé, et puis c'est rejeté dans des fosses d'aisance, puisqu'on n'a pas tout à l'égout. Puis ces fosses d'aisance sont vidangées, donc là on a des statistiques qu'on convertit en azote. On vidange, on produit des engrais, à cette époque-là c'est essentiellement de la poudrette, donc c'est un engrais très frustre qui est préparé par... En fait, on fait sécher et puis on touille, quoi. Donc, c'est pas très efficace comme production. Et donc, ça, c'est pour cette partie. Puis, il y a toute une partie des matières organiques, des matières alimentaires qui se retrouvent dans l'espace public, en particulier contenues dans la boue qui est collectée dans les rues, qui va retourner, elle aussi, à l'agriculture. Et puis là, on a les chevaux, donc une partie du crottin dans l'espace public qui va partiellement se retrouver dans la boue de rue. Du crottin qui est spécifiquement ramassé parce que c'est un engrais extrêmement prisé et pour lequel on se bat presque, et puis une partie qui va ruisseler, qui va se retrouver vers la Seine. Donc ce que ça nous montre, ça, c'est deux choses. Ben, déjà, on peut mettre en balance ce qui va à l'agriculture et ce qui rentre. Donc 23 grammes, là je disais 24 tout à l'heure, bon là quand on fait le calcul pour 1817, on tombe sur 23. 5 qui vont à l'agriculture, donc à peu près un cinquième de ce qui est rentré dans la ville. Puis il y a une deuxième chose que ça nous indique, enfin même il y en a 3 au moins, ou 4 ou 5 ou 12, je ne sais pas, c'est que quand même on remarque que la production d'engrais pèse très peu par rapport à tout ce qui est rendu à l'agriculture. En fait, le flux majeur, c'est le crottin et la boue de rue. Donc, autre élément, comme je le disais tout à l'heure, la production de poudrette qui est très inefficace. D'ailleurs, au début du 19e siècle, la poudrette est portée au nu. Et puis, à partir des années 1840-1850, on dit que c'est vraiment un engrais barbare parce qu'il est complètement... En fait, tout l'azote se perd par voie atmosphérique. Et comme en plus, on met 3 ans ou 4 ans ou 5 ans à la fabriquer, l'azote a le temps de partir. Et puis, enfin... Un autre élément qui est que ça, ce sont les fosses d'aisance. Donc, on sait ce qui y rentre, on sait ce qui en sort. Donc, ça veut dire que la soustraction est perdue. Et l'essentiel de ce qui est perdu est en fait perdu dans le sous-sol. Et donc, ça, c'est confirmé par des analyses d'eau de puits qu'on a du 19e siècle. Mais ce sur quoi je veux insister en disant ça, c'est sur le fait que finalement, la pression environnementale, en termes de rejet d'azote et de matière organique en général, elle est très localisée, elle est interne à la ville et elle concerne essentiellement le sous-sol de la ville. Alors on peut regarder ce qui se passe après. Je ne vais pas faire autant en détail à chaque fois. Ça c'est 1869, alors ces dates peuvent paraître bizarres. Elles sont essentiellement choisies parce que ce sont des dates pour lesquelles on a énormément de données. Bon, c'est pas forcément les plus satisfaisantes par rapport à la périodisation, mais on fait ce qu'on peut. Et donc, on voit à peu près la même chose ici. En fait, au cours de ces 50 ans, le schéma de circulation n'a pas changé. C'est exactement la même chose. La seule chose qui a changé, c'est les quantités. Alors, les flèches sont plus épaisses parce qu'il y a plus de gens, plus de nourriture, plus de ceci, plus de cela. Mais surtout, ce qu'on voit, donc, c'est qu'on passe... Alors, ce n'est pas très important. On était à 5 grammes par habitant et par jour récupérés tout à l'heure. Maintenant, on est à 6, là. Et puis, ce qu'on voit, c'est que l'efficacité de production des engrais est beaucoup plus grande puisque, en gros, on est à peu près à un rendement d'un tiers, 33%, qui se retrouve dans les engrais. Et ça, c'est l'effet direct de ces nouveaux engrais qui ont été élaborés au 19e siècle, et en particulier, dans ce cas-là, du sulfate d'ammoniac qui était préparé par distillation des urines. Sachant que le sulfate d'ammoniac, qui est un engrais qui aura un très grand développement à la fin du 19e et au début du 20e siècle, à cette époque-là, n'est pas vendu en France parce qu'il n'est pas apprécié, il est vendu en Angleterre. Donc Paris exporte finalement ses urines sous forme de sulfate d'ammoniac outre-Manche. Donc, effectivement, il semble qu'il se soit passé quelque chose en termes d'efficacité. Et puis là, on arrive en 1913. Alors là, ça, c'est beaucoup plus gros, il y a plus de gens, etc. Mais c'est surtout que ça se complique parce que ce qui s'est passé entre-temps, c'est le développement du tout à l'égout. Alors, qui n'est pas encore aussi important qu'il le sera par la suite. Mais vous voyez qu'apparaît ici un gros flux qui va vers les égouts. Sachant que le flux, la part qui va vers les fosses d'aisance diminue considérablement. Alors ça a plusieurs conséquences. La première, c'est que ce développement des champs d'épandage va aller dans le sens d'une augmentation du retour vers l'agriculture. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, le champ d'épandage est, toutes choses égales par ailleurs, performant. Mais ça va se traduire aussi par une sorte de déplacement de pression anthropique du sol, ma flèche de tout à l'heure, vers la rivière, parce qu'en fait, déjà en 1913, on n'arrive pas à envoyer toutes les eaux d'égout dans les champs d'épandage, qui ne sont pas assez grands, tout simplement, et donc on va rejeter directement dans la Seine une certaine quantité d'eau d'égout, et donc, pour ce qui nous concerne, d'azote. Et alors, on pourrait continuer. Et après, parce que là, je suis sur la période où on augmente le rendement, bon, même si on a ce rejet vers la Seine qui arrive. Ben, ici, on arrive en 1931, et où on voit, donc si je reviens là, hein, vous voyez que là, on était à 9 grammes par habitant et par jour qui vont vers l'agriculture, et 3 de rejet direct en Seine. Et en 1931, la situation est inversée. On n'en voit plus que 5 grammes par habitant et par jour vers l'agriculture. Et on rejette directement 7 grammes par habitant et par jour dans la Seine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement entre ces deux dates? Eh bien, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que les engrais urbains ont perdu tout intérêt, ou quasiment tout intérêt, pour l'agriculture, parce qu'entre-temps, on a complètement révolutionné la production des engrais, avec en particulier la mise au point du procédé à Berbosch, donc qui permet d'utiliser directement l'azote de l'air, finalement sans passer par toutes ces complications, et surtout d'augmenter considérablement les quantités d'azote mises en circulation dans les agrosystèmes et dans les écosystèmes. Et l'effet direct, finalement, du procédé à Berbosch, dépendamment d'augmenter les rendements agricoles, c'est de diminuer le recyclage urbain en termes d'azote. Et on a, je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, la même chose qui se produit pour le phosphore avec la découverte des phosphates fossiles. Et voilà donc le résultat en termes de taux de recyclage agricole de l'azote d'origine alimentaire. Donc vous voyez, j'ai pas mis... Bon, enfin, si, j'ai mis mon point de vue. Vous avez les quatre points qui correspondent aux quatre situations que j'ai mentionnées. Puis là, au bout, la situation actuelle, qui est à peu près d'un recyclage de l'ordre de 5% pour une ville comme Paris, donc absolument ridicule, et qui traduit complètement, finalement, l'évolution de la question des engrais. C'est-à-dire que cette histoire urbaine, finalement, est indissociable d'une histoire complètement agricole. Et de production alimentaire. Alors, les répercussions de tout ça, bien entendu, sont assez importantes. Ça, on va passer. On va regarder juste ce schéma qui n'est pas du tout, c'est pas du tout moi qui l'ai réalisé, mais c'est les collègues du PIRENSEN, donc le programme interdisciplinaire de recherche sur le bassin de la Seine. Et finalement, on peut dire que ce graphique est traduit l'effet de la dévalorisation des excrétats urbains. Alors je dis dévalorisation parce que j'ai pas eu le temps d'en parler, c'est peut-être pas le propos aujourd'hui, parce qu'il faisait aussi l'objet d'un commerce très lucratif, en même temps que permettant de la production agricole. Donc ici, ce qui est représenté, donc ça c'est la Seine, 0 c'est Paris, et puis ce sont des kilomètres, et on s'éloigne de la Seine, puis là on arrive à l'entrée de l'estuaire, puis c'est l'estuaire, et ce sont les teneurs en oxygène dissous dans la Seine. Donc en gros, comme vous le savez probablement, moins il y a d'oxygène dans l'eau, moins l'écosystème aquatique fonctionne. Et en particulier, la baisse des teneurs en oxygène va avoir des conséquences importantes sur les populations animales, en particulier les poissons. C'est pour ça qu'on a mis ici les deux droite qui correspondent à la limite des salmonidés et la limite des cyprinidés, les carpes si vous voulez, autrement dit, et pourtant les carpes ne sont pas très exigeantes comme chacun sait. Et donc cette courbe noire représente la situation en 1898. Donc dans Paris, la situation n'est pas dramatique, tout simplement parce que les rejets sont reportés à l'extérieur de Paris, sont en quelque sorte externalisés. Mais dès qu'on sort de Paris et qu'on arrive à l'exutoire des égouts, eh bien on a une chute brutale de la teneur en oxygène qui est complètement corrélée aux émissions d'azote sous forme d'ammonium. Et puis en 1898, quand même, au bout de quelques dizaines de kilomètres, la rivière reprend une teneur en oxygène qui est tout à fait acceptable, enfin en tout cas qui est assez importante. Et puis on voit la situation, c'est la courbe en pointillé en 1970, où là on est donc dans la période où on a complètement abandonné l'idée de valoriser les excrétats, où finalement les politiques de stations d'épuration sont très peu volontaristes parce que la station d'épuration ce n'est qu'un coût, ça ne rapporte rien, enfin en tout cas à la collectivité, puisque ça rapporte aux exploitants s'il y a des exploitants. Et donc on est dans une période d'abandon total qui se traduit par ces très faibles teneurs en oxygène dissous dans l'eau. Donc voilà une première approche qui est plutôt interne à la ville et qui essaye de connecter ça à l'aval de la ville. Ouais. Là, si on regarde les deux courbes, en fait, juste en aval de Paris, plutôt, on a une situation qui n'est pas très différente en 1970 et en 1898. Là, c'est pas très différent, mais en fait, ce qui se passe, c'est que compte tenu de l'intensité des rejets et du temps, en fait, l'ammonium va mettre un certain temps à se transformer en nitrate. Et donc, compte tenu de l'intensité des rejets, ce temps est plus important et donc la contamination dure plus longtemps. Ce qui explique cette... En fait, c'est pas tellement que... on arrive quasiment à zéro, là. Donc, de toute façon, on peut difficilement descendre en dessous de zéro. Mais il faut beaucoup plus de temps pour qu'il y ait nitrification de l'eau. Voilà, en gros, ça c'était pour cette première illustration de travail sur le métabolisme. Alors, plus récemment, là je vais dire plutôt nous parce que je ne suis pas toute seule, nous avons développé des travaux sur ce que nous appelons les empreintes environnementales. Alors, empreinte environnementale, c'est une expression... Moi, je préfère employer celle-là que toute autre dans ce domaine-là, qui hérite d'autres notions qui se sont développées à partir des années 60-70. Donc, la première, c'était ce qu'on appelait la surface fantôme. Alors, la surface fantôme, je me creuse la tête depuis cet après-midi pour me retrouver le nom du chercheur qui a le premier parlé de surface fantôme. Je crois que c'est un Suédois. Et en gros, ce qu'il voulait mettre en avant, c'est le fait que c'est une idée qui est complètement liée à la problématique alimentaire telle qu'elle émerge dans les années 60 de préoccupation pour pourra-t-on nourrir le monde, etc., etc. Et ce qu'il veut mettre en avant, c'est le fait que certains pays, en fait, ne sont pas autosuffisants en alimentation et se nourrissent soit d'importations d'autres pays, soit, et c'était surtout ça qui le préoccupait d'ailleurs, de l'océan. Et le pays emblématique de ça à l'époque, c'était le Japon, dont on disait que certes, les Japonais étaient parfaitement bien nourris, etc., etc., mais c'était aux dépens d'importations dans d'autres pays et de surpêche dans les océans. Et donc c'est ce que ce chercheur appelait la surface fantôme. Et puis ceci a fait son chemin progressivement avec cette surface fantôme a été employée plus tard pour désigner on parlait plus vraiment de surface, enfin, c'était un peu compliqué pour désigner l'utilisation des combustibles fossiles avec un peu le même raisonnement qui consistait à dire on a abandonné la production surfacique de bois, mais on l'a remplacé par le captage de ces ressources souterraines, et donc c'est aussi c'était plus une surface, mais c'est une empreinte fantôme du fonctionnement des sociétés. Et ça, progressivement, ça a donné naissance à quelque chose qui est beaucoup plus connu aujourd'hui, qui est l'empreinte écologique, dont vous avez probablement tous entendu parler, qui est un indicateur qui vise à quantifier, finalement, par exemple, pour un habitant donné, avec un niveau de vie donné, quelle serait la surface nécessaire pour à la fois produire ce qu'il consomme, mais aussi absorber ce qu'il émet. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait comme surface pour que son mode de vie soit soutenable ? Alors, ce qui signifie que cette empreinte écologique est une surface complètement fictive. D'ailleurs, on ne l'exprime pas en hectares. L'unité de l'empreinte écologique, c'est ce qu'on appelle l'hectare global. Alors, il s'appelle global parce qu'il est censé prendre en compte, encore une fois, la consommation et les impacts. Et donc, quand on calcule l'empreinte écologique, après, on met en face la capacité écologique du territoire, du pays, de la région, de la planète, et c'est comme ça qu'on arrive à dire que ça ne peut pas marcher, puisqu'on a déjà dépassé la capacité écologique de la planète. Bon, ceci dit, cette empreinte écologique, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce machin, parce que ce n'est pas le lieu, mais scientifiquement, elle ne tient pas quand même très très bien la route. Elle part d'une idée, enfin, qui à mon avis était vraiment intéressante, cette idée de se ramener à une surface et à un indicateur qui permet une comparaison assez aisée. Et moi, ce que j'en retiens, c'est plutôt la puissance, mais il faut se méfier aussi du piège, de la métaphore, qui est cette idée d'une empreinte. Sachant que le débat qui existe dans les milieux qui s'intéressent à cette question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce qu'il faut faire une empreinte unique, c'est-à-dire un indicateur unique? C'est tous les débats qu'il y a toujours sur les indicateurs, d'ailleurs, qui prendraient tout en compte, comme l'empreinte écologique, ou bien est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a plusieurs empreintes? Et donc, moi, j'ai plutôt tendance à dire que c'est plus intéressant de définir plusieurs empreintes environnementales, parce que c'est difficile d'additionner des impacts qui sont extrêmement différents. Et l'addition de ces impacts se fait parfois... finalement, d'une façon telle qu'on minimise certains impacts environnementaux. Donc, en poussant la métaphore, je dis, ben voilà, chaque ville a un jeu d'empreintes environnementales. C'est une empreinte spatiale, c'est une empreinte alimentaire, c'est une empreinte en termes de nutriments, et qu'il est important de localiser. L'empreinte écologique n'est pas localisée. Quand on vous dit un francilien a une empreinte écologique de 6 hectares globaux, ce qui est à peu près ce que donne le calcul, on ne sait pas où sont ces hectares. Or, si on veut essayer de comprendre des choses, que ce soit d'un point de vue historique ou contemporain, on a besoin de savoir où se passent les choses, puisque sinon, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Voilà, et donc on essaye de réfléchir à tout ça, en ajoutant aussi la notion, pour encore une fois continuer dans la métaphore, de profondeur de l'empreinte, c'est-à-dire de dire, certes, une empreinte, ça peut être une surface, mais ça peut être plus ou moins profond, et la profondeur signifierait, en quelque sorte, l'impact environnemental de cette ville ou de cette personne. Donc je vais essayer d'illustrer ça à travers les travaux récents qu'on a conduits. Pas forcément dans l'ordre, on s'intéressait toujours à cet approvisionnement et consommation alimentaire en essayant de reconstituer, en fait, alors c'est encore de l'azote, c'est-à-dire qu'on essaye de reconstituer quels sont les aires d'approvisionnement de Paris dans le temps. Ce qui est représenté, c'est les aires d'alimentation de Paris à la fin du XVIIIe siècle. Donc pour ça, on a utilisé des sources primaires, mais indirectes, parce qu'elles ont été exploitées par Abad, dans son ouvrage, en fait, il mentionne de façon très précise toutes ces sources primaires. Donc on les a réexploitées pour établir ces cartes. Et donc ce que ça vous dit, ça par exemple, hein, c'est que, alors là c'est les céréales, les produits animaux, les fruits et légumes, ça par exemple, ça veut dire que la Normandie fournit à Paris 3 à 5% de l'azote nécessaire à nourrir sa population à la fin du XVIIIe siècle, et ainsi de suite. Et puis on a essayé de calculer des distances moyennes d'approvisionnement telles que vous pouvez le voir ici. Donc ce que ça montre, ça, c'est qu'on a une aire d'approvisionnement qui, bon, certes, est relativement importante, et beaucoup plus importante en termes animaux qu'en termes de céréales. Alors elle est plus importante, une des raisons en étant que les animaux se transportent tout seuls, puisqu'ils marchent jusqu'à leur destin fatal. on voit que quand même, ce qui est important pour ces deux aires-là, c'est qu'elles sont continues, alors que ça n'est pas du tout le cas pour les fruits et légumes. Mais bon, là, il faudrait un peu creuser quand même. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de comparer avec ce qui se passe après. Et donc là, c'est la même chose, mais à la toute fin du 19e siècle. Alors là, on a employé des sources un peu différentes parce que on n'avait pas les mêmes sources. Donc on est parti de statistiques données par les compagnies de chemin de fer et puis on est remonté à des départements. Enfin bon, c'est une cuisine un peu, enfin pas compliqué, finalement à la fin il faut juste faire des multiplications et des soustractions, mais il faut un peu bricoler quoi. Et donc ce qu'on voit là, c'est qu'on est, on a une extension bon, de cette aire d'approvisionnement, mais qui reste malgré tout continue pour à nouveau ces deux produits que sont les céréales et les produits animaux, et relativement, je dis bien relativement confondus, c'est-à-dire que effectivement, le 19e siècle est marqué quand même par le développement de la complémentarité agriculture-élevage, et qui fait que généralement, là où il y a de l'élevage, il y a de l'agriculture. Pas partout, mais ça marche à peu près bien. Et si on regarde, je passe un petit peu vite, hein, parce que c'est juste pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec ces trucs-là. Maintenant, c'est la situation actuelle. Et alors, on voit que pour la situation actuelle, ce qui est marquant, c'est que l'aire d'approvisionnement est devenue, quel que soit le produit, complètement discontinue. C'est-à-dire que, certes, on a toujours, pour les céréales, ce qui est marquant aussi, c'est la concentration. On a une concentration qui demeure très importante autour de Paris, bon, qui est liée aussi à l'agriculture développée aux environs de Paris. Mais ceci dit, ça veut dire que, du point de vue des céréales, en tout cas, l'approvisionnement de Paris ne s'est pas tellement internationalisé. Mais le débouché de l'agriculture, oui. C'est-à-dire que toutes ces régions qui produisent des céréales produisent des céréales pour bien plus que Paris. Et des céréales qui sont exportées de partout. Et finalement, Paris pèse très peu dans ce qui est produit, ici. Mais on voit apparaître ces discontinuités importantes. Et puis, la deuxième chose qui est notable, c'est que, je disais tout à l'heure, là où on produit de la viande, on produit des céréales. Alors là, maintenant, c'est exactement le contraire. Là où on produit de la viande, on ne produit pas de céréales. Et donc ça, c'est bien la traduction de l'agriculture industrialisée. Et enfin, dernière chose, je disais tout à l'heure que quand on regardait l'alimentation de Paris au 19e siècle, on n'arrivait pas à avoir de changement. Mes 24 grammes restaient à peu près tout le temps les mêmes et répartis de la même façon. Là, il y a un changement. Si vous regardez ce camembert, là, c'est la répartition de l'azote entre... alors là, on n'a plus, on n'a pas les fourrages. Hein, entre viande en rouge, céréales en jaune, fruits et légumes en vert. Ça, c'est fin 19e. Et si on regarde la part qu'a pris la viande aujourd'hui, on voit qu'elle est beaucoup plus importante. Donc là, effectivement, sur 200 ans, on arrive à voir que quelque chose se passe, et cette chose se passe essentiellement au XXe siècle, avec des répercussions en termes de métabolisme et en termes environnementaux tout à fait importantes. Voilà, alors pour aller un peu plus loin, donc ça, ce que je vous ai présenté là, c'est des aires d'approvisionnement. Bon, on n'a pas inventé les aires d'approvisionnement, hein. Il suffit de savoir d'où viennent les choses et puis on répartit. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de transformer ça donc, en empreinte environnementale. Alors ça, c'est une thèse qui a été soutenue en juin dernier et qui porte donc, sur l'approvisionnement de Paris, mais bon, uniquement en viande et en lait. L'ambition de la thèse initiale, c'était de faire tout, mais ça s'est avéré quand même un très gros casse-tête. Donc on s'en est tenu à la viande et au lait. Et ce qu'on a essayé de quantifier, c'est finalement l'empreinte spatiale, donc c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure, de cette consommation de viande et de lait tout au long des 200 dernières années. Donc la question posée, c'est la suivante. Pour fournir la viande et le lait d'un Parisien à une date donnée, quelle est la surface nécessaire, quelle est la surface agricole nécessaire pour, bien sûr, élever les animaux, mais surtout pour nourrir les animaux. Donc ça, c'est ce qui est présenté. Bon, celui-là, on ne va pas le regarder. C'est ce qui est présenté dans ce premier tableau. Donc on voit qu'au cours du 19e siècle, l'empreinte en termes d'hectares par habitant diminue légèrement. Bon, on peut dire qu'on est dans la marge d'erreur du travail réalisé, enfin à mon avis. Donc on passe de 0,6 hectares à 0,46 hectares. Et puis on voit qu'au XXe siècle, cette surface diminue énormément puisqu'on est à un dixième d'hectare. Donc elle est divisée par 5. Donc il faut 5 fois moins de surface pour produire la viande et le lait d'un Parisien aujourd'hui qu'il n'en fallait il y a 100 ans, alors qu'il mange plus de viande et de lait. Si on traduit ça en termes d'empreinte totale, donc j'additionne tous mes Parisiens, ben on a bien sûr l'effet de la population qui se traduit là. Et donc on voit qu'au XIXe siècle, ben, de fait, cette empreinte augmente parce que la population augmente. On passe de 4000 km² à 15000 km². Et puis qu'aujourd'hui, ben, au cours du XXe siècle, du fait de cette diminution de l'empreinte unitaire, eh bien, on a une surface nécessaire à l'alimentation en viande et en lait des Parisiens qui est moins importante qu'elle ne l'a été il y a 100 ans. Alors ça, bien entendu, c'est un effet de l'augmentation des rendements agricoles, c'est assez logique, mais ce dont on s'est rendu compte en faisant ce travail, alors vous allez me dire ça c'est de l'histoire agricole, mais enfin c'est de l'histoire agricole qui est là pour nourrir des urbains à la base, c'est que c'est aussi dû à une performance très importante de l'élevage, enfin une performance accrue de l'élevage qui, elle, se développe sur les 200 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la question des rendements, il y a aussi la question de la façon dont on élève les animaux, non seulement dont on les nourrit, mais surtout de leurs conditions de vie. Donc quand on met des porcs dans des espaces chauffés, par exemple, ce qui est le cas aujourd'hui, on obtient des rendements en viande qui sont très différents du porc qui gambade joyeusement dans un pré, si tant est que les porcs aient jamais gambadé joyeusement dans des prés. Bon, quoi qu'il en soit, voilà un peu le résultat que ça nous donne. Mais bien entendu, cette performance, on pourrait dire, il y a une performance accrue, elle s'est faite avec un certain nombre de conséquences. Et c'est là qu'on s'est intéressé à nouveau à l'azote, avec cette idée de travailler alors sur ce qu'on a appelé l'empreinte azote et sa profondeur. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ce qu'on dit, c'est que l'empreinte azote, c'est tout simplement la quantité d'azote nécessaire initialement pour fabriquer la viande et le lait toujours de mon Parisien. Donc c'est ce qui est là. Donc il faut faire rentrer de l'azote pour faire pousser des végétaux qui vont être mangés par les animaux, etc., etc. Et puis ce qu'on appelle, qui est indiqué ici, la profondeur de l'empreinte, c'est finalement la part de cet azote qui va être inutilisée, qui va être relâchée dans l'environnement et qui donc va, pour l'essentiel du temps, contribuer à la dégradation de l'environnement. Sachant qu'il y a une partie qui va être tout à fait réutilisée. Donc, ça, c'est tout ce qu'il faut. Ça, c'est l'azote qui finalement sera dans la viande et le lait qui va arriver éventuellement dans mon estomac. Ça, c'est tout ce qui est lié aux déjections animales essentiellement ou aux déchets végétaux. Et puis, bon, là, il y en a une partie qui est récupérée, puis il y en a toute une partie qui n'est pas récupérée. Et donc, ce qu'on a essayé de voir, c'est comment est-ce que ça a évolué dans le temps aussi. Alors, sans rentrer trop dans les détails, ce qu'on voit, c'est que ça, c'est début 19e siècle. On va regarder juste, donc tout ça, c'est de l'azote, donc c'est ce qui rentre dans le système agricole, et ça, c'est ce qui arrive dans Paris. Donc ce qu'on va juste regarder, c'est ces deux flèches là. Mais ce qu'on voit, c'est que début 19e siècle, le rendement est assez faible. Il y a 8% de l'azote initial qui va se retrouver dans l'alimentation des Parisiens. Et on a 70% de pertes, donc ce qui est tout à fait énorme, mais ce qui ne représente que 30 kg par hectare. Ça, c'est pas 20e, c'est tout début 20e siècle. On voit qu'on a une très légère augmentation du rendement, on passe à 10%, mais enfin 8-10% c'est à peu près la même chose, et une très légère diminution des pertes, 65%. Et puis ça c'est la situation actuelle, alors là ça devient très compliqué parce que ça c'était beaucoup mieux quand on avait une complémentarité agriculture-élevage parce que tout se circulait sur place, mais là maintenant du fait de la séparation, alors en gros ce qui est présenté ici c'est qui se passe dans la ferme, là où on élève les bestiaux. Ça, c'est dans cet endroit où on élève les animaux, il y a de la production alimentaire pour ces animaux. Tout n'est pas fait ailleurs. Donc ça, c'est ce qui se passe à cet endroit-là. Et ça, c'est la partie de l'alimentation des animaux qui est importée d'ailleurs. Par exemple, ça va être le soja qui est importé du Brésil pour nourrir des porcs, ce qui est actuellement le cas. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, donc nos pertes sont de 50%, donc c'est beaucoup moins qu'avant. Donc on pourrait dire, ben, finalement, on a encore augmenté la performance. Et puis là, on a un petit peu augmenté, on est à 11%, alors qu'on était à 8% 200 ans avant. Mais, et c'est là où le bât blesse, ces pertes, et c'est là où c'est important de réfléchir à ces histoires d'empreinte et de profondeur, ces pertes, elles sont concentrées sur des surfaces beaucoup plus petites, puisqu'on a vu que l'empreinte spatiale diminuait. Et donc, ça veut dire que la concentration de l'azote qui est perdue est beaucoup plus forte, ce qui a des conséquences environnementales extrêmement importantes. Pour vous montrer le chiffre, hein, donc ces pertes de 1900, elles sont de 65%, elles représentent 30 kg d'azote par hectare qui nourrit les Parisiens. Ici, elles représentent, alors selon qu'on est à la ferme ou qu'on est à la production extérieure, entre 60 et 110 kg d'azote par hectare. Donc c'est là qu'est l'effet pervers en quelque sorte du système, c'est qu'on a une augmentation apparente du rendement de production qui se traduit en fait par des pertes qui quantitativement sont beaucoup plus importantes et qui sont beaucoup plus concentrées, donc beaucoup plus dommageables à l'environnement. Alors maintenant, si on fait un bilan de cette affaire, si on essaye de faire un bilan de cette circulation de l'azote alimentaire, donc maintenant je mets tout ensemble. Ce que je vous ai présenté au début avec la circulation dans la ville, puisque je vous ai présenté après dans la question de la production. Alors là, c'est une tentative de prendre en compte viande, lait, fruits, légumes, tous aliments confondus. Donc c'est une grossière tentative, mais l'objectif c'était de voir un peu est-ce qu'on arrive à tirer quelque chose de ce machin à la fin, parce que c'est des calculs pas compliqués, mais enfin, qui prennent beaucoup de temps. Alors des fois, il y a des moments où on se dit que c'est peut-être tout ça pour rien. Moi, régulièrement, je me dis, de toute façon, je quantifierai plus jamais, parce que j'en ai trop marre. Quoi qu'il en soit, je me demande parfois si ça sert à moi quelque chose, mais quoi qu'il en soit. Donc voilà, pour nos trois périodes, vers 1800, vers 1900, vers 2000, donc ce qui rentre dans l'agro-système, donc c'est soit l'engrais, enfin l'azote qui va arriver par fixation naturelle biologique, soit l'engrais qui provient des engrais de synthèse, enfin, soit le fertilisant qui provient de la fixation naturelle biologique, soit l'engrais de synthèse. Donc on voit que en kilos d'azote par habitant et par an, bah, effectivement, ça a diminué. On est passé de 35 à 23 en 200 ans. Donc on est bien dans le sens d'une idée d'une performance accrue du système. Maintenant, après, si on regarde ce qui est dans les aliments, on voit qu'on est à... alors ça, c'est les pourcentages 26, puis 28, puis 33%. Donc ça, c'est l'efficacité accrue du système de production alimentaire qui est reflétée par ces pourcentages-là. Et puis après, on peut regarder ce qui retourne à l'agro-système. Donc ça, c'est ce que je vous présentais au début. Et finalement, on se rend compte qu'on est passé de 6% à 11% en un siècle, donc un doublement de la performance, pour ensuite avoir une diminution considérable de cette performance. Alors vous allez me dire, bon, c'est bien joli pour tout ça, mais qu'est-ce que ça peut nous amener à conclure en termes d'interaction, société, nature, machin, etc., indépendamment de tous ces chiffres et de tout ce qu'on peut en déduire sur la dégradation de l'environnement, sur le problème de l'alimentation, etc. Mais il y a une chose, moi, qui me paraît tout à fait importante, c'est ce qui est écrit là. C'est que finalement la recherche d'efficacité, parce qu'il y a bien eu une recherche d'efficacité qu'on retrouve dans les chiffres, mais qu'on voit dans les textes quand on regarde quelles sont les techniques, les politiques, etc. qui sont élaborées. Au 19e siècle, la recherche d'efficacité se fait à la fois dans le système agricole et dans le système urbain. C'est-à-dire qu'on met en œuvre des techniques d'amélioration de la productivité agricole. Et en même temps, on met en œuvre des techniques d'amélioration du recyclage urbain. Et ce qui va être au contraire caractéristique du XXe siècle, c'est que l'efficacité interne à la ville, intra-urbaine, diminue considérablement, n'est plus un enjeu, on ne s'en occupe plus, donc on a une décroissance considérable de cette efficacité. Et dans l'agro-système, l'efficacité continue à augmenter, alors sachant que c'est une efficacité apparente, puisqu'elle a des contreparties importantes en termes de perte, alors d'azote, de phosphore et de tout ce qu'on veut. Mais je trouve que par rapport à cette question de l'histoire de l'environnement, et en particulier l'histoire de l'environnement urbain, cette question de la... J'arrête pas de dire le mot question ce soir, je suis désolée, mais de l'efficacité, la recherche de l'efficacité urbaine pour ces histoires est quelque chose de vraiment important quand on arrive à voir qu'il y a... Elle naît au 19e siècle et puis elle disparaît pour tout un tas de raisons, mais bon. Alors ça va m'amener, mais ça va aller beaucoup plus vite, je vous rassure tout de suite, à la toute fin de mon propos. C'est juste pour essayer de confirmer ce que je viens de dire. Sur l'approvisionnement et la consommation énergétique. Alors là, c'est un travail, donc c'est la thèse dont je parlais tout à l'heure, là, qui va être soutenue, j'espère, d'ici un an. On a commencé à s'intéresser à la consommation énergétique quantitativement. Donc on s'est dit, ben voilà, ça évolue comment la consommation énergétique d'une ville comme Paris en 200 ou 300 ans. Et ça nous a amené à nous poser des questions d'ordre plutôt historique sur cette consommation d'énergie et finalement la prise en compte de la question énergétique. Alors que c'est du coup l'inverse de ce que je racontais tout à l'heure, où on parle d'une préoccupation plus historique, histoire des techniques, etc., puis on va vers une approche plus biogéochimique. Là, c'est tout à fait inverse. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, bon, c'est juste... ces deux courbes représentent, alors... Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette terminologie, la première, c'est l'énergie finale. Donc typiquement, aujourd'hui, on appelle ça l'énergie qui est délivrée au consommateur. Donc c'est ce que vous pouvez lire sur votre compteur. Et ça, c'est l'énergie primaire. Donc c'est la quantité totale d'énergie qu'il a fallu pour pouvoir produire cette énergie finale. Puisque souvent, il y a des transformations qui sont opérées et les rendements de ces transformations sont plus ou moins bons. Et donc font que l'énergie primaire est toujours supérieure ou égale à l'énergie finale. Et donc là, la courbe porte sur presque 3 siècles, là, pour le coup, puisqu'on commence en 1730 jusqu'en 1990, et prend en compte donc les différentes sources d'énergie. Donc en finale, le bois, le charbon. Alors en fait, par commodité, on a inclus le charbon de bois dans le bois, mais je pourrais vous expliquer pourquoi si vous voulez. Donc le charbon dont il est question, là, c'est du charbon de terre. Ensuite, en vert, c'est le gaz, alors qui au départ, en énergie finale, va être du gaz manufacturé, bien sûr, à partir du charbon, puis qui après va devenir du gaz naturel. Puis en violet, l'électricité, en bleu, les produits pétroliers, et en noir, la chaleur qui peut être servie par l'intermédiaire, qui peut être des ordures brûlées ou tout ce qu'on peut imaginer. Donc ça, c'est de l'énergie finale. Et ça, ce sont les sources d'énergie primaires qui ont permis de fabriquer cette énergie finale. Donc on retrouve du bois, bien sûr, du charbon. Donc ce charbon-là, c'est soit le charbon qui est utilisé sous forme de charbon, soit celui qui a servi à fabriquer, par exemple, du gaz. Et puis on retrouve le gaz naturel, le pétrole. Alors l'électricité primaire, là, en vert clair, c'est ce qui concerne le nucléaire, l'hydroélectricité, l'éolien, le solaire. Mais c'est surtout du nucléaire, bien entendu. Et puis, le dernier, c'est les autres. Les déchets, par exemple. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, une courbe comme ça? Alors, on est en quantité par habitant, bien sûr. Donc, de fait, ça masque l'effet des augmentations de population. Mais cette courbe, en gros, elle nous permet d'observer des transitions énergétiques. Donc, bon, ce qu'on voit... qui n'est pas très surprenant, bien entendu, c'est la transition, la première transition du bois vers le charbon. Donc on voit que c'est vers 1850 hein, qu'on passe à plus de charbon que de bois. Donc on peut dire que là, la transition est faite. Et puis la deuxième transition qui va être vers une diversification vers les produits pétroliers notamment et vers le gaz naturel. Donc ça, c'est la deuxième transition. Cette transition, c'est aussi une transition quantitative, puisque ce que l'on observe, c'est que finalement, pour le 19e siècle, ce qui va peser en termes de quantité, c'est l'augmentation de la population seule, puisqu'on voit une stabilité de la courbe, alors qu'à partir de l'entre-deux-guerres et surtout de l'après-deuxième guerre mondiale, ce qui va peser, c'est à la fois l'augmentation de la population urbaine et l'augmentation de la consommation unitaire, qui est extrêmement importante. Et puis, ce que l'on voit aussi, et après je viendrai sur mon dernier point, c'est que si la consommation d'énergie finale semble relativement plafonnée aujourd'hui, la consommation d'énergie primaire continue à augmenter, tout simplement parce que les rendements de production diminuent. Mais, alors, indépendamment, enfin, bon, c'est vrai que quand Eunet a produit cette courbe, on sautait partout, parce qu'on était très contente. Ça peut paraître ridicule, mais ça nous faisait très plaisir d'être arrivé à la tracer. Mais la question qui nous a vraiment obnubilé, c'est cette stabilité de la courbe au 19e siècle. Et on voit qu'au 18e, alors c'est caché par la fin, mais au 18e, il y a vraiment une augmentation de la consommation. Et au 19e, la consommation est stable. Ouais. J'ai l'impression, par exemple, on va poser une question tout à l'heure, mais pour le bois, l'impression que le bois est juste un décalage. Ça, c'est la même courbe décalée. Oui, parce que. Là, comment, parce que là, c'est un travail, le travail qui a servi à produire le bois. Voilà, c'est alors. Un travail humain et animal. Donc, comment l'évaluer ? Voilà, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est une autre question que ça nous pose, ces quantifications. C'est que. Pour le bois, par exemple, on ne considère pas le travail humain. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, il y a une façon de prendre en compte le travail humain en énergie, c'est de prendre l'alimentation des humains. On pourrait considérer que finalement, l'énergie des hommes, si on prend un raisonnement purement énergétique, mais enfin, bon, après, c'est un peu. Mais bon, on pourrait le faire. Et dire, ben voilà, ces gens ont mangé tout ça, et le surplus de nourriture qu'ils ont pris, qui leur a permis de manipuler les bûches, c'est ça. Mais ça, on ne le fait pas, là. Et la deuxième grosse question, c'est qu'on ne compte pas dans ces quantifications ce qu'on appelle l'énergie gratuite, parce que le bois qui est arrivé à Paris, il a été flotté. Donc il a été transporté grâce à de l'énergie hydraulique. Ça n'est pas comptabilisé. Et ça, c'est une chose que j'aimerais bien essayer de faire dans l'avenir, c'est essayer d'avoir une idée de cette énergie dite gratuite et d'essayer de prendre en compte le travail, mais alors pas forcément, pas de la façon dont je l'ai mentionné, mais c'est évident que ne pas compter le travail est très embêtant. Je suis d'accord. Pardon ? J'ai l'impression que le raisonnement ne peut fonctionner qu'à partir du moment où on s'intéresse sur les sources primaires à des sources d'énergie qui sont produites par des machines et sur lesquelles on peut faire des calculs comme ça, parce que un kilo de charbon remonté par un animal, jusqu'aux années 1914 par un cheval depuis des mineurs, évidemment, elle va sembler presque gratuite. L'énergie, on va compter quoi ? Que le transport par train de la Lorraine à Paris ? Oui, mais je suis d'accord avec vous. C'est la question qu'on se pose. J'aurais dû en parler plus tôt. C'est que quand ces méthodes, en fait, il n'y a aucune méthode satisfaisante. Non, mais je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que en gros, si on regarde la façon dont est considérée la question énergétique aujourd'hui en milieu urbain, je parle des discussions actuelles, de toute façon, on ne prend en compte que l'énergie dite technique. D'ailleurs, c'est ce qui est représenté ici, là, c'est ce qu'on appelle de l'énergie technique. Je ne sais pas si c'est un très bon terme, mais c'est comme ça qu'il est mentionné. Et de fait, on devrait intégrer, même si on s'intéressait uniquement à la ville intramuros, l'énergie alimentaire. Et ça, elle doit le faire dans le cadre de sa thèse, mais c'est très compliqué parce que faire l'énergie finale alimentaire, ça va. On sait combien il y a de calories dans un steak, etc. Faire de l'énergie primaire alimentaire, c'est un vrai casse-tête, en fait. Bon, voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'affaire de l'énergie gratuite, le travail, etc., etc. Quoi qu'il en soit, là, si on s'en tient à l'énergie technique, on trouve ça. Et donc, nous, ce qui nous a vraiment préoccupé, c'est la stabilité. Parce qu'on peut se dire, bah comme ça, intuitivement, 19e siècle, on voit l'essor du confort. Donc, tout le monde n'accède pas au confort, mais enfin, il n'empêche que le chauffage domestique se développe dans certaines couches de la société, donc ça veut dire plus de consommation énergétique. On sait que, quand même, Paris s'industrialise intérieurement. On sait que l'éclairage se développe dans la maison et hors de la maison, etc. Donc, on a tout un tas d'indices qui nous suggèrent que la consommation unitaire devrait augmenter. Alors, soit on est dans la même situation que tout à l'heure pour l'alimentation, c'est-à-dire que toutes les transformations se compensent, c'est-à-dire que ceux qui s'appauvrissent et qui consomment moins, s'ils existent, ben, compensent ceux qui s'enrichissent et qui consomment plus, mais ça me semble Ça ne me semble pas être la bonne explication. Donc moi, l'explication que je donnerais, c'est pour ça que là, on est obligé de retourner vers des approches strictement historiques, c'est que, en fait, on sait que, en particulier pour la première moitié du XIXe siècle, on rentre dans une période de politique d'économie d'énergie. C'est-à-dire que, bon, là, c'est quelques exemples, hein, d'ailleurs, c'est André Guillard plutôt qui a travaillé là-dessus. Bon, les premiers indices, d'ailleurs, sont pré-révolutionnaires, puisqu'on a, dès 1788, un appel à idées sur comment économiser le bois. Puisque, juste à la veille de la Révolution, on est dans une période de grande pénurie de bois, c'est la catastrophe, etc., etc. Et on voit que se développer, à la fin du 18e et au début du 19e siècle, un très grand nombre d'expérimentations qui visent à économiser l'énergie dans les différents appareils qui consomment cette énergie. Et ce qu'on sait aussi, mais bon, ça c'est des choses que je dois creuser par la suite, la ville de Paris, en tant qu'autorité, encourage énormément ces recherches d'économie qui vont faire que effectivement on met au point notamment des appareils de chauffage qui sont beaucoup plus performants qu'ils ne l'étaient auparavant. Et donc ça signifie que, indépendamment du fait qu'il nous manque plein d'énergie dans ces courbes, en fait, ce qui nous manque, c'est ce que j'ai écrit là, c'est ce qu'on appelle l'énergie utile. C'est-à-dire, je vous disais tout à l'heure, l'énergie finale, c'est celle qui est délivrée au consommateur, mais l'énergie utile, c'est celle qui vous est, par exemple, vraiment donnée par votre radiateur. Or, selon le radiateur que vous utilisez, bah, le résultat sera plus ou moins bon. Et cette question de l'énergie utile... Enfin, à mon avis, ce qui s'est passé, si je pouvais tracer la courbe de l'énergie utile, ben, elle serait à peu près comme ça. C'est-à-dire que, enfin non, elle n'atteindrait pas l'énergie finale. Mais ce qu'on verrait, c'est que l'énergie utile, comme les appareils sont plus performants, de chaque joule qui rentre dans la ville, on arrive à tirer une proportion plus grande d'énergie pour ce qu'on a à faire avec cette énergie. Et là, c'est le consommateur énergétique global, tout type d'activité. Oui, c'est tout type d'activité qu'on peut avoir théoriquement. Et l'énergie hydraulique à Paris L'énergie hydraulique, c'est interne à Paris. Hein. Oui. Elle est relativement peu importante au 19e siècle. Moi, au début, j'étais un peu obsédée par ça. Je disais à cette doctorante, il faut que tu regardes ça. Il y a fin 18e, il y a plein de moulins qui s'implantent, etc. Donc, je n'ai pas cherché tous les moulins. Quantifie-moi les moulins qui tournent, les moulins à rue en dessus, en roue en dessous, en ceci, en cela. Et en fait, on s'est rendu compte, que ce soit en tout cas pour l'éolien ou pour l'hydraulique, que ça pesait très, très, très peu. C'est vraiment insignifiant, en fait, par rapport aux quantités qui sont là. C'est pour ça qu'on ne les a pas représentées. Voilà, donc tout ça pour dire que je vais m'arrêter. Si je conclue un peu en rebondissant sur cette idée, donc ce que ça confirmerait un peu mon histoire d'énergie, là, même si c'est très peu abouti ce que je vous ai raconté, puisque c'est à l'état de chantier, c'est qu'il y a bien cette idée d'augmentation de la performance interne qu'on retrouve dans l'énergie, qui est dans cette idée selon laquelle il faut faire des appareils plus performants, qui vont permettre des économies, tout simplement parce que finalement, on peut dire que le 19e siècle, même pour l'énergie, c'est la gestion de la pénurie permanente, ou de la crainte de la pénurie, que ce soit pour l'alimentation ou que ce soit pour l'énergie. Donc l'enjeu de l'économie d'énergie d'une part, ou de recyclage des sous-produits urbains d'autre part, est tout à fait considérable. Alors qu'après, au 20e siècle, on a une espèce de libération de cette contrainte qui fait que, bon, on va arrêter de recycler, comme je l'ai dit tout à l'heure, et la question de la performance énergétique des appareils qui consomment de l'énergie va devenir très peu importante et quasiment négligeable. C'est qu'après après la Deuxième Guerre mondiale que ça va redevenir un enjeu, et vraiment avec le premier choc pétrolier. Donc là, on voit quand même des transitions qui me paraissent relativement intéressantes à approfondir, et cette fois-ci, je m'arrête. Merci. Donc, on a une communication qui est centrée notamment sur les questions spatiales. Hein, donc, je pense que c'est original dans cette question du métabolisme urbain. Bon, il y a beaucoup de questions hein, qui sont posées. Et notamment, donc, je suis quand même étonné, moi, justement, par cette cette idée d'économie d'énergie qui serait efficace finalement au 19e siècle. Ça, j'avais pas idée qu'au 19e siècle, on avait effectivement que le problème soit posé effectivement dans un certain nombre de textes, c'est un fait, mais que ça se traduise de manière aussi concrète dans les chiffres, ça me paraît effectivement quelque chose de... intéressant, d'étonnant. Ben, il faudrait quand même... Alors, parce que le problème, c'est qu'il y a une... Comment dire ? Il y a un chaînon manquant dans mon raisonnement et dans les travaux dont on dispose. C'est-à-dire, d'un côté, bon, on a la courbe que j'ai présentée. De l'autre côté, on a ce qu'avait fait André Guillard, mais en particulier, j'ai récupéré dans un de ses articles ce tableau qui compare différents équipements de chauffage avec leur performance. Et donc, il y a la cheminée ordinaire... Donc, qui augmente pour un kilo de bois, qui n'augmente la température que de 0,152 degrés. Et puis, il y a le super poêle fumivore de Tillerier qui a une performance qui est 8 fois plus élevée. Ce qu'il faudrait maintenant pour combler le vide, c'est savoir quelle est la diffusion de ces appareils, arriver à trouver des indications sur l'équipement des logements parisiens et est-ce que cet appareil s'est vendu à 10 exemplaires ou à 10 000. Voilà, donc moi je fais l'hypothèse que c'est là qu'il y a un nœud à explorer. Pour ce qui concerne, si je reviens aux travaux d'André Guillard, ce qu'il a montré en tout cas pour la soupe du soldat, qui était un enjeu important, c'est que ça a été très efficace. Il faudrait voir pour la ville jusqu'à quel point ces appareils sont développés. D'accord, ça concerne essentiellement la part d'énergie consommée par les habitants, en fait. Mais si on inclut aussi l'industrie, est-ce qu'on... Alors, il y a une recherche de performance aussi dans l'industrie. Il y a une recherche de performance dans la transformation énergétique, par exemple dans la fabrication du gaz d'éclairage. La performance augmente considérablement tout au long du 19e siècle. Donc, ça semble être un mouvement général. D'accord. D'autres questions, oui. J'avais deux choses, un commentaire, une question. J'étais frappé, c'est toujours un peu la même chose avec les approches quantitatives. À la fois, c'est très puissant, et en même temps, ça ouvre plein de questions. On trouve toujours un moyen de critiquer la technologie, tout ça. Et notamment, il y a un truc qui me frappe, je travaille sur le 19e siècle, c'est je me demande si en fait le gain d'efficacité qu'on peut voir là, qui est révélé là sur l'azote, et pas d'une part construction de l'outil, parce que je pense à Liebig, finalement, théoricien des flux qui s'applique à la fois pour l'alimentation des animaux et pour la mise au point des engrais, et précisément ce qu'il implémente comme rationalité, c'est la rationalité des bilans, azote, etc. Donc, et toute l'histoire de la zootechnie d'une part et de l'agronomie d'autre part, de la chimie à l'école, c'est de rechercher l'amélioration de l'environnement sur ce critère-là, les mêmes qui sont choisis ici. Donc, en incertation, c'est à partir des années 1850. Est-ce qu'on ne s'étonne pas tellement de devoir augmenter cette sorte-là d'efficacité ? Mais comme vous l'avez dit, en même temps, voilà, il y a plein d'autres choses. L'impact environnemental qui se traduit par la pollution liée aux produits chimiques, par exemple aux insecticides, etc., qui sont des conditions collatérales de cette amélioration. On ne les voit pas du tout. Donc, les filles. Donc, voilà, ça, c'est une première question, remarque, c'est-à-dire en prenant la rationalité. Des acteurs, est-ce que finalement on ne retombe pas sur l'objectif qu'ils sont poursuivis dans leur action ? Première chose. Et puis j'aurais aussi, bon, ça c'était moins important, mais est-ce qu'un steak par exemple c'est toujours la même concentration d'azote ou ça dépend des races animales et de la zootechnie, de l'amélioration des races ? Comment on fait pour savoir quel bœuf était consommé ? Parce que je pense qu'il y a des variations énormes. Pour le porc c'est pareil, le porc du 21e siècle ressemble très loin du porc du 19e, quoi. Mais là, il n'y a pas grand-chose. Et la deuxième chose, c'était tout à fait différent, vous avez parlé de capacité écologique. Et j'aurais aimé savoir cette notion, où est bien et si on peut en dire quelque chose. Donc pour la première, je suis tout à fait d'accord. Quand je parle d'efficacité, j'ai pas une vision forcément positiviste de l'efficacité. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que je vois, c'est que du point de vue de cet indicateur, c'est plus efficace. Et par ailleurs, qu'effectivement, au même moment, on cherche cette efficacité. Donc ça va dans le sens de ce que vous dites. Et ça ramène toujours à la question de savoir, effectivement, c'est ce que je disais, est-ce que ça a un sens de faire ce calcul? Je ne sais pas si ça a un sens. Je me pose régulièrement, enfin, en ce qui me concerne, je passe mon temps à faire le yo-yo entre le jour où je me dis, mais non, mais c'est inutile de faire ça, puisque, qu'est-ce que ça m'apporte comme connaissance historique, ça? Et donc voilà, donc ça c'est les jours comme ça. Et puis il y a les autres jours où je me dis, ouais, mais quand même, si j'arrivais à calculer le truc et le bidule et le machin, et à montrer si le truc a marché ou pas marché, ben voilà. Donc aujourd'hui, je suis dans un jour entre deux. Non, mais j'ai pas de réponse. C'est-à-dire que j'entends, je sais que ce type d'approche peut même faire l'objet de critiques très virulentes hein, dans le domaine, dans la communauté des historiens. Donc moi, je sais, par exemple, je me souviens d'une réunion, ça commence à faire longtemps, où une historienne avait dit, mais vous n'avez pas le droit de calculer de l'azote au Moyen-Âge parce que l'azote n'existe pas. Et je suis d'accord, mais il n'empêche que je me dis que si on veut arriver à avoir des approches de longue durée, on peut se dire, bon ben d'accord, je vais admettre de cette forme de rétrospective. Du coup, c'est pour ça que moi, ma réponse dans ces cas-là, c'était de dire, ah oui, mais moi, je commence au 19e, au 19e, l'azote, ça existe. Donc, je suis tranquille. Et donc, je ne fais que faire la même chose que les chimistes et compagnie. Mais c'est très, très compliqué, et encore une fois, il y a plein d'autres choses qui font que ça peut... Ça pose problème, parce que ces chiffres, par ailleurs, c'est pour ça que des fois, je me dis qu'il ne faut plus quantifier. Chacun de ces chiffres, pour avoir une quelconque valeur, devrait nécessiter une explication de 3 heures pour dire voilà exactement comment j'ai fait, voilà quelles sont les hypothèses, voilà quelles sont ceci, quelles sont cela. Et ce qu'on n'a pas le temps de faire. Et au contraire, le chiffre donne l'illusion de réunir en une seconde quelque chose qui en fait est 3 heures. Alors que si c'était un texte, on mettrait 3 heures à le lire et c'est parce que ça mérite bien 3 heures. Donc voilà, donc je sais pas une réponse, mais c'est mon point de vue sur la question. Oui, je crois qu'il faut pas pousser trop loin non plus l'hypercritique, parce qu'à ce moment-là, toute l'histoire économique on ne ferait plus rien, enfin, on ne quantifierait plus rien. Non, mais c'est vrai que ça, il faut quand même garder une distance par rapport à ce qu'on fait. Et alors après, la question de... Alors la viande, effectivement... les animaux ont beaucoup changé. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est de croiser des sources d'époque avec des sources actuelles, et on essaye de bricoler comme ça, quoi, pour dire très simplement. Et enfin, pour la capacité écologique, c'est tout simplement, ça consiste à dire, il faudrait rentrer un peu dans la mécanique de l'empreinte écologique, c'est-à-dire que l'empreinte écologique distingue différents types de sols. Les sols qui vont être productifs, les terres arables. Et donc, on va dire que les terres arables, on va leur appliquer le rendement mondial moyen. Donc ça va dire, cette surface de terres arables à l'échelle mondiale, elles permettent ça. Il y a les forêts. Alors les forêts, elles ont un double rôle dans la capacité écologique. Elles ont la capacité de fournir du bois pour faire des tas de choses, puis elles ont la capacité d'absorber du CO2 si elles sont en croissance. Je précise, ma question c'était plus, d'où vient le concept? Elle vient de la capacité portante, idée. D'accord. La capacité portante, ça vient plutôt justement de l'élevage. C'est combien de moutons peut supporter ce pré? Combien est-ce que je peux mettre de moutons sur ce pré pour qu'ils les nourrissent sans arriver à l'épuisement? Donc ça, c'est la capacité. En anglais, c'est carrying capacity. Donc, on parle. Et alors, si l'autre traduction, c'est capacité de charge. Il y a eu beaucoup d'hésitations sur la traduction. Et donc, cette capacité de charge, c'est une notion qui s'est vraiment diffusée, qu'on a aussi en mécanique des sols, d'ailleurs. Et alors, ça serait intéressant de savoir si c'est corrélé. Qui se diffuse maintenant, on va parler de capacité de charge, de territoire touristique, combien de gens on peut accueillir dans cette région touristique dans laquelle les gens viennent parce que c'est joli et que ça reste joli quand même, quoi. Donc ça se diffuse un peu partout. Je ne sais pas si c'est ça la question. Si, c'est ça, parce que comme vous avez tracé la généalogie, la notion d'empreinte, je veux dire, de savoir si c'est la même personne ou non, ça vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs, mais ça s'est réuni dans l'empreinte écologique qui en fait est associée à la capacité écologique. Une remarque, ça serait plutôt que tu nous reclarifies, c'était la diapositive avec les cartes sur les aires d'approvisionnement. Et il me semble qu'il y a un résultat, oui, voilà, celle-ci ou celle d'après, enfin, que j'ai entendu aussi exposer par Gilles Bienne. Mm-hmm. C'est ses cartes. Hein. Voilà. Et qui me surprend, donc Gilles Bienne, il avait expliqué que finalement, les aires d'approvisionnement nécessaires pour nourrir Paris, malgré la croissance de la population mm-hmm. de 3 millions à 11 millions, n'avaient pas vraiment augmenté au fil du temps. Oui. J'ai bien retenu, c'est ça. C'est vrai, c'est un peu ce qu'on voit dans ce tableau-là, quand on dit pour la viande et le lait, on a 3 300 000 habitants en 1900, ça fait 15 000 km², on a 11 millions d'habitants aujourd'hui, ça fait 11 000 km², et c'est même moins pour la viande et le lait. Donc je reviens, mais ceci dit. Et donc finalement, on peut expliquer ça, comment à part il y a l'amélioration de la productivité agricole, etc. Mais il y a aussi, finalement, au XXe siècle, quand même, la mondialisation du commerce et des marchés. On fait venir un agneau de Nouvelle-Zélande, des pains du bassin parisien, une banane de la Martinique. Comment calculer les superficies en France, mais il y a des superficies un peu virtuelles. D'accord. Alors, il y a deux. En fait, ça c'est la situation actuelle. Donc, tu les vois, les superficies extérieures à la France. Il y a deux choses là-dedans. Il y a une première question qui serait de dire, est-ce que le bassin parisien, enfin, le bassin de la Seine peut nourrir Paris aujourd'hui? Et est-ce que, comme il l'a fait il y a 200 ou 300 ans? Et donc, la réponse est, compte tenu de la capacité d'exportation du bassin en termes notamment d'azote, la réponse est oui, parce que les rendements ont augmenté, etc., etc. Après, il y a la deuxième question, c'est, mais est-ce que c'est le bassin de la Seine qui nourrit Paris? Et là, la réponse est non, puisque du fait de la mondialisation, ça vient de partout. Donc, c'est deux... Mais voilà... Enfin, l'idée, c'est de dire que l'argument n'est pas... Le fait que les aires d'approvisionnement se soient mondialisées n'est pas dû à l'incapacité du bassin à nourrir. C'est des processus qui sont liés à l'évolution économique mondiale et qui n'ont rien à voir finalement avec la productivité des terres qui, au contraire, elle est la plus importante. Oui, parce que l'ambition, finalement, c'est quoi? C'est de mesurer l'empreinte écologique sur l'ensemble du territoire de Paris, en fait, l'impact de Paris sur... Voilà, l'idée, il y avait plusieurs idées derrière. La première, c'était de se dire... Alors ça, c'est des aires d'approvisionnement, donc. D'où vient la nourriture qui alimente Paris? Et comment est-ce que cette aire d'approvisionnement s'est transformée dans le temps? Surtout si on compare à ce qu'on disait à l'instant, au fait que localement, il y a de quoi produire. Après, ce qu'on peut faire de ça, c'est dire, bon, et ça, d'un point de vue environnemental, mais ça peut être aussi d'un point de vue social, d'ailleurs, hein, qu'est-ce que ça représente? C'est-à-dire que ça veut dire que, finalement, on a une externalisation de plus en plus grande des impacts environnementaux, surtout si, en plus, là, on représentait les aliments que mange la viande qui est produite là, ici. On pourrait dire, finalement, la viande, ça reste très français. Mais les aliments qui nourrissent la viande, ils sont pour partie d'entre eux importés, notamment d'Amérique du Sud. Donc ça veut dire que l'impact environnemental de Paris, il est aussi bien au Brésil qu'en Bretagne et qu'à Paris, bien sûr. Et donc, pourquoi... Alors, l'importance de le localiser, c'est d'abord de réfléchir aux relations qui existent entre une ville et d'autres territoires, qui sont des relations fonctionnelles, mais qui sont aussi, encore une fois, des relations politiques, économiques, etc., qui rendent ça possible ou pas possible. Et c'est de mettre l'accent sur le fait qu'il y a à la fois des impacts qui sont locaux et des impacts qui sont différés, tout simplement. Et que je bafouille de plus en plus, mais ce qui est de plus en plus important, ce sont les impacts différés. Donc penser les impacts environnementaux d'une ville en ne pensant qu'à cette ville dans ses limites, finalement, n'a pas tellement de sens. Enfin, ça a un sens, bien sûr, c'est important de savoir, parce qu'il y a des gens qui habitent là, et donc si la pollution est très élevée et que ça a des conséquences sanitaires, c'est important. Mais c'est indissociable des impacts différés, qui sont que... La question que je me suis posée en regardant ces cartes, c'est finalement pourquoi privilégier Paris, le rapport entre Paris et le territoire, parce qu'au fond, le bassin parisien produit des céréales pour le monde entier. Enfin, et pourquoi finalement centrer ça sur Paris? Aujourd'hui, c'est pas très pertinent. C'est pas très pertinent. Ça a eu une pertinence jusque, disons, à la Deuxième Guerre mondiale, dans la mesure où, de fait, il y a un enjeu de nourrir Paris, il y a un enjeu de nourrir une population urbaine, et c'est un vrai problème, etc., etc. Et donc, on identifie bien, en plus, si on remonte un peu plus en avant, la gestion de cet approvisionnement est partiellement faite par les édiles. Donc, ça justifie de travailler sur une ville et ses approvisionnements. Bon, du fait de l'évolution non seulement des techniques agricoles, mais aussi des transports, mais aussi de la politique d'approvisionnement qui passe quand même essentiellement au secteur privé au cours du 19e siècle et complètement au 20e siècle, du fait de l'homogénéisation des consommations alimentaires, etc., etc., on peut se dire, oui, mais alors à quoi bon maintenant identifier Paris? Donc ça, dans ce que je présente, ça a un sens. En tout cas, c'est ce que je défends, qui est l'idée de cette longue durée. C'est-à-dire que, voilà, on a une ville, on essaye de comprendre qu'est-ce que c'est que l'effet d'une ville. Après, ça a des enjeux contemporains. C'est-à-dire que, quand on essaye de réfléchir un peu aux questions de gestion de l'environnement, relocalisation, machin, etc., ça devient important de se dire, il faut qu'on s'occupe de nourrir cette population-là qui est localisée là, et qui, en plus, est concentrée et qui ne produit pas sa nourriture. Mais c'est peut-être là que dans la longue durée, on peut insister sur les continuités, mais aussi sur des discontinuités, justement. Peut-être la question que tu posais tout à l'heure sur à quoi ça sert finalement, il y a aussi peut-être un regard différent à porter quand même sur le contexte économique, en bien sûr. Les rapports montrant aussi l'importance de ces discontinuités dans le temps. Mais merci beaucoup en tout cas. De rien, c'est un plaisir, c'était pour moi.